Les âmes mortes, tome 1, chant 4. Nosdreff. En approchant de l'auberge de la maison de poste, Tchitchikov ordonna qu'on s'arrêtât pour deux raisons. Pour laisser les chevaux souffler une bonne petite heure, et aussi pour mettre quelque chose sous la dent, afin de se refaire des fatigues du trajet. L'auteur doit avouer qu'il en vit beaucoup l'appétit et l'estomac de gens ainsi constitués. Et à ses yeux, ils sont bien ridicules, vraiment. Tous ces beaux messieurs de la haute volée, gravitant dans le firmament gastronomique de Pétersbourg et dans celui de Moscou, qui passent leur vie dans la méditation de ce qu'ils mangeront demain, des mets dont ils composeront leur dîner d'après-demain, qui se préparent à leur savante entreprise en avalant une pilule et des huîtres et des araignées marines et d'autres merveilles. Et, après 100 ou 200 séances pareilles, partent forcément pour les eaux ou de Carlsbad ou du Caucase. Non, ces messieurs n'ont jamais éveillé en moi la moindre envie. Il n'en est pas de même des hobereaux. Le hobereau court les routes, et dans une maison de poste se fait servir 3 livres de jambon. À la station suivante, 1 cochon de lait. Dans une troisième, 1 quartier d'esturgeon ou 1 gros saucisson à l'ail, ce qui ne l'empêche pas, en arrivant à destination, à n'importe quelle heure, de se mettre à table, et là, comme si de rien n'eût été, d'absorber une houka de sterlet avec des barbottes et du frais qui craquent et gémissent entre ses dents, coupé par de fortes bouchées de gâteaux rastiaguais ou koulibiak au sauté de silure, et cela d'un appétit à donner envie de manger aux regardants. Oui, ce sont là des gens tout spécialement favorisés du ciel, de la terre et de la mer, qu'ils rendent tributaires de leur bouche. Plus d'un riche seigneur donnerait à l'instant même la moitié de ses âmes et de ses terres hypothéquées ou non hypothéquées, avec toutes les améliorations faites d'après les nouveaux procédés, soit russes, soit étrangers, pour posséder un estomac comme les gens de moyenne noblesse. Mais le mal est que pour tout l'or et l'argent du monde, pour tous les domaines améliorés ou non, on ne peut se procurer un estomac de hobereau ou de provincial russe. L'auberge, au mur de rondins noircis, calciné par le temps, accueillit Tchitchikov sous son étroite avancée, dont le toit hospitalier portait sur 4 piliers façonnés autour et pareils à nos anciens chandeliers d'église. Le bâtiment ressemblait à une chaumière russe, sauf des proportions un peu plus amples. Des corniches, des rebords, des garnitures, des encadrements à jour ou en dentelle, fouillés à la hache, aux ciseaux et à la tarrière dans le bois frais, entouraient les fenêtres, le pignon, le balcon, le perron, de manière à donner un air de gaieté au fond lugubre des murailles. Sur les volets, on voyait une intention de vase rustique haut en couleur, remplie d'une intention de fleurs, peinte à l'huile très naïve et pourtant prétentieuse. Ayant escaladé un étage par un étroit escalier de planches, Tchitchikov pénétra dans une antichambre spacieuse où il trouva une porte qui s'ouvrait avec bruit et une grosse commère en robe de perse bigarrée qui lui dit « Par ici, monsieur !» Dans la chambre, il y avait beaucoup de ces vieux amis qu'on rencontre dans toutes les petites auberges construites en bois, si nombreuses sur les routes à chaussée, nommément un samovar tout sillonné d'eau de vapeur saisie, figé à blanc sur le cuivre. Des parois de sapin raboté, de calfeutrages visibles en bourrelet dans les interstices des rondins, une armoire de coin pleine de théières et de tasses et surmontée de plateaux, des œufs de porcelaine dorée, appendus devant des images par leurs rubans rouges et bleus, une chatte récemment délivrée d'une portée merveilleuse, un miroir qui vous rend 2 nez pour 1, qui vous présente au lieu de figure une sorte de tarte aux pommes, et enfin des images saintes, entourées de touffes d'herbes fleuries, aromatiques et d'œillets secs à un tel point que le voyageur, qui s'avise de vouloir s'assurer de leur parfum, soulève aussitôt les nuages épais d'une poussière qui a les effets de tabac d'Espagne. « Y a-t-il un petit cochon de lait ?» cria Tchitchikov pour tout compliment à la bonne femme qui lui faisait accueil. « Oui, monsieur, et bien à votre service. »« Au réfort et à la smétane ?»« Au réfort et à la crème aigrie, justement. »« Donnez-moi ça. Allons, l'est. » La vieille partit comme par un ressort et ne s'arrêta plus. Elle rentra 20 fois coup sur coup. 1. Avec une couple d'assiettes. 2. Avec une serviette si libéralement empesée qu'elle pouvait se tenir debout comme une écorce de vieux liège. 3. Avec un couteau à manche d'os du plus beau jaune antique et à lame réduite de 2/3 de sa largeur en 2 endroits, mais tranchant toutefois comme une lime d'horloger. 4. Avec une fourchette à 2 dents et demi. 5. Avec un poivrier affectant la forme d'une fiole lacrymatoire attique ou toscane. 6. Avec une salière parfaitement incapable de garder son aplomb, sinon dans une position inclinée. Mais bientôt notre héros, selon une habitude prise de longue date, entama avec cette femme une conversation en règle. Il ne manqua pas de lui demander si elle tenait elle-même l'auberge, ou si c'était son mari, son frère, son parrain ou son compère qui était aubergiste. Quel revenu annuel donnait l'établissement, si elle avait des fils, si son fils aîné avait femme ou s'il était garçon. Quelle femme il avait prise, riche ou pauvre, s'il y avait eu une dot et en quoi elle consistait. Non, eh bien, si le beau-père a été content. S'il n'est pas au contraire fâché, comme s'il recevait trop peu de présents en donnant sa fille. Tchitchikov n'était pas homme à rien oublier dans ces sortes d'enquêtes. Il va sans dire qu'il ne manqua pas de se faire nommer en détail, un à un, posément, tous les gentillâtres d'alentour, petits et grands, riches et pauvres. Il lui fallut tout savoir, et ses questions tombaient là, drues comme grêle. La bonne femme connaissait surtout Blokhine, Potchitilev, Milnoï, Tcheprakov, dit le colonel, Sabakevitch. Sabakevitch? Ah, tu connais Sabakevitch? Comment donc? Et assez, vraiment. Tchitchikov sut alors que la vieille connaissait non seulement Sabakevitch, mais aussi Manilov, et qu'à ses yeux, Manilov était bien plus délicat, probablement plus délicat, plus grand et plus aimable que Sabakevitch. En effet, jugez donc, Manilov se fait bouillir, cuire au beurre ou rôtir une poule, et en attendant, il s'amuse avec un quartier de veau. Puis il tâte d'un foie de mouton, s'il y en a de près, et il se borne à goûter de ceci et de cela. Mais Sabakevitch, lui, ne se fait servir qu'une seule viande, mange tout le plat, demande s'il n'y en a pas encore un peu au four, comme si l'on eût fraudé de quelque partie. Et il ne paye jamais que ce qui lui avait été dit du prix de la portion ordinaire. Comme il conversait de la sorte, tout en expédiant un cochon de lait, et qu'il n'en restait plus qu'une bouchée empalée sur la fourchette brèche-dents, on entendit un bruit d'équipage au pied de la maison. L'hôtesse disparut, la bouchée aussi. Tchitchikov se leva, regarda par la fenêtre, et vit, arrêtée devant l'avancée, une légère britchka attelée d'un troïche fringant. 2 hommes descendirent de cette britchka, l'un blond et de haute stature, l'autre brun et de moins haute taille. Le grand blond était en hongroise bleu foncé, le brunet en simple arcalouque d'une étoffe orientale à raies. Après eux, arrivait d'un pas très lent une méchante calèche, vieux débris tiré par un méchant quadrige à long poil, à qui le rafraîchissement de l'étrille était jouissance inconnue. Chaque haridelle, bridée de cordes à puits, avait pour licou un collier en loques. Le blond gravit à l'instant l'étroit escalier. Le brun restait au bas, à palper quelque objet dans la cale de la britchka, en causant avec son domestique. Et en même temps, il faisait des signes à la calèche fantastique qui approchait. Il sembla à Tchitchikov reconnaître cette voix-là, et, pendant qu'il regardait ainsi au dehors, le blond avait tâté à la porte, trouvé le loquet et ouvert. C'était un grand maigre, non pas vieux, mais usé. Il portait de très petites moustaches rousses. À son visage hâlé et en quelques endroits comme brûlé, on pouvait aisément croire qu'il était parfaitement fait à la fumée, non de la poudre à canon, mais du tabac le plus âcre. Il salua poliment Tchitchikov, qui lui rendit sa politesse avec son aisance habituelle. Il est fort vraisemblable qu'il leur eût suffi de quelques minutes encore pour lier conversation et faire ample connaissance, car il y avait déjà un bon acheminement. Tous deux, presque en même temps, avaient témoigné leur satisfaction de voir que la poussière des routes eût été parfaitement abattue par les pluies de la nuit. « De sorte, disait-il, qu'il fait bon voyager par cette fraîcheur. » Lorsque le voyageur brun entra tout à coup, jeta sa casquette, sans transition, de dessus sa tête, droit au beau milieu de la table, et se hérissa gaillardement le crin, en y passant en tous sens son long démêloir à cinq doigts. C'était un beau et vigoureux jeune homme, à figure pleine et vermeille, orné de 32 perles du premier choix, riant entre des lèvres de corail, le tout encadré dans deux gros favoris des plus crus, sous une luxuriante forêt de cheveux ailes de corbeau. Bref, c'était un homme frais et sain, comme une pomme de Crimée cueillie sur l'arbre. « Bah, bah, bah » s'écria-t-il aussitôt en étendant parallèlement les deux bras vers Tchitchikov. « Toi, ici ?» Tchitchikov reconnut Nozdreff, ce même Nozdreff, près de qui il avait dîné chez le procureur fiscal, et avec qui il s'était trouvé en quelques minutes sur le pied d'une si grande familiarité que Nozdreff s'était mis à le tutoyer, sans pourtant que, de son côté, il eût donné lieu à cela le moins du monde. « Où es-tu donc allé? Chez qui ?» dit, reprit Nozdreff. Et, sans lui laisser le temps de répondre, il ajouta « Moi, mon cher, je reviens de la foire. Félicite-moi, j'ai été rincé. Oui, cher ami, rincé, mais rincé à fond. Tiens, regarde un peu par cette fenêtre. Vois dans quel véhicule je suis arrivé. » Ici, il pencha au dehors la tête de Tchitchikov, qui pensa se heurter cruellement contre le châssis. « Tu vois quelle drogue de calèche! C'est du miteux, du vermoulu, j'espère. J'ai dû grimper dans sa britchka. » En parlant ainsi, il montrait du doigt son compagnon. « Ça, à propos, vous ne vous connaissez pas. C'est Mijouïev, mon beau-frère. Nous n'avons fait que parler de toi toute la matinée. Je lui disais, il faut que nous nous trouvions ensemble avec Tchitchikov. Aïe, aïe, frère, tu ne te figures pas comme je viens d'être rincé. Croiras-tu que non seulement j'ai perdu 4 excellents trotteurs, mais tout ce que je portais sur moi. Regarde, regarde, plus de chaîne, plus de montre, plus d'épingle. » Tchitchikov regarda et vit qu'en effet, le beau Nozdreff n'avait plus ni épingle ni chaîne. Il lui semble même qu'il avait des éclaircies dans un de ses favoris. « Eh bien, me croiras-tu, si j'avais eu encore 20 roubles en poche, je dis 20 roubles, pas davantage, je regagnais tout. Va, tout, entendons-nous. Outre que je rattrapais toute ma perte, je gagnais encore, parole d'honneur, 30 bons 1000 roubles, et ils seraient ici, dans ce portefeuille. » « C'est ce que tu disais justement dans ce moment-là, » objecta le grand blond flambé. « Eh bien, là-dessus, moi, je t'ai donné 50 roubles, qui sont allés pourtant avec les autres. »« Oui, c'est vrai, je les ai perdus aussi, mais je ne les aurais pas perdus, non, je ne les aurais pas perdus, certes, si je n'eusse pas fait une bêtise. Frère, je ne les aurais pas perdus si je n'eusse eu l'imprudence, après le paroli, de plier un canard sur ce maudit 7. Je pouvais sans cela faire sauter toute la banque. Bien, mais tu ne l'as pas fait sauter. Eh non, parce que j'ai plié un canard à contre-temps. Est-ce que tu aurais dans la tête que ton major joue bien par hasard? Bien ou mal, je ne dis pas, mais il t'a étrillé. Le bel exploit, j'en aurais joliment raison, va. Il ne me pèse pas ça, ton major. Qu'il essaye donc un petit doublé. Alors, tu verras ce que deviendra ce fameux brolandier major. Mais au reste, cher Tchitchikov, comme nous nous en sommes donnés les premiers jours. Ah, il faut avouer que la foire a été, cette année, dans tout son beau. Les marchands disent eux-mêmes qu'il n'y avait jamais eu une affluence et un entrain pareil. Tout ce qu'on avait amené de chez moi a été supérieurement vendu. Ah, frère, comme nous avons bamboché! Rien que de se rappeler, foi d'honnête homme, je te dis, mais quel dommage que tu n'étais pas là! Figure-toi qu'à 3 verstes de la ville, il y avait en ce moment un régiment de dragons, que tous les officiers, tous, du premier au dernier, au nombre de 40, étaient en ville, et nous avons bu, et nous avons bu. Tiens, frère, il y avait le rotmistre Potseloïev. Voilà un bon enfant. Quel homme avec cela! Des moustaches qui tombent jusque sous les aisselles. C'est lui qui appelle le vin de Bordeaux de la Bourdashka. Hé, garçon, qu'il dit, en avant donc la Bourdashka, que ces messieurs se gargarisent. Et le lieutenant Kouvchinikov, hein, beau frère, dit, quel charmant homme! On peut bien dire que celui-là est le bambocheur par excellence, le roi de la bamboche. Nous ne nous sommes pas quittés pendant 3 jours. Quel vin nous avons eu du marchand Ponomareff! Il faut que tu saches que Ponomareff est un si grand coquin qu'il n'y a pas moyen de rien prendre dans ses boutiques. Il mêle à ses vins des décoctions de bois de sandal, de bouchons brûlés, de bêtes sur eau, et le diable sait encore quelle drogue. Mais si, une fois, il va lui-même ouvrir chez lui le sésame, le saint des saints, le petit caveau particulier, oh, ma foi, là, il n'y a plus rien à dire, il vous met dans l'empiré. Voilà comment le lieutenant des Brocs, Kouvchinikov, et moi, nous avons eu à discrétion un champagne près duquel le champagne du gouverneur est bon peut-être à laver les pieds des chevaux. Songe que c'était non pas seulement du vrai veuve Cliquot, mais un certain Cliquot Matradoura, comme qui dirait, vois-tu, du double, du triple Cliquot. Moi, je suis allé voir Ponomareff, je l'ai prié, comme on prie ces gens-là, et après un petit quart d'heure d'attente inquiète, j'ai rapporté de là, en triomphe, une bouteille d'un certain vin français qu'ils appellent bonbon. Un bouquet, mais un bouquet! Quintessence de rosée, de violette, de... je ne peux pas te dire. Oui, nous nous en sommes donnés. Après cela, nous arrive avec un grand froufrou, le prince... Oh diable son nom! Son premier soin est d'envoyer chez le marchand de vin prendre du champagne. Mais serviteur, ni dans les boutiques, ni chez Ponomareff lui-même, plus une seule bouteille. Les officiers avaient fait le vide le plus complet. Nous avions fait le vide. Crois-tu qu'à moi seul, à dîner, j'ai séché 17 bouteilles de vin de champagne? Allons, allons, tu n'as pas bu 17 bouteilles, dit froidement le grand blond. « Vrai comme je suis un galant d'homme, je les ai bu !» répondit Nozdrev. « Tu es libre d'avancer ce qu'il te plaît, mais je te dis, moi, que tu n'en boirais pas 10. »« Parions ! Parions !»« Bah, laisse donc !»« Voyons, parions ce fusil que tu viens d'acheter contre ce que tu voudras !»« Je ne veux pas !»« Ah, c'est que tu rentrerais à la maison sans fusil sur l'épaule, sans bonnet sur la tête, je t'en réponds !» Ah, frère, frère Tchitchikov, que c'est embêtant que tu n'étais pas des nôtres. Je sais bien que nous n'aurions pas pu t'arracher là-bas d'avec le lieutenant Kouvchinikov. Oh, comme vous vous seriez convenus. Celui-là ne ressemble pas au procureur fiscal, ni à toutes ces poules mouillées d'employés grippe-sous. Celui-là, frère. Whist, banque, Boston, pharaon, il sait tout, il est à tout, il tient tout. Ouais, cela valait la peine de venir. Ah, méchant marcassin, va, mauvais porcher, va, embrasse-moi, chère âme, embrassons-nous. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Mijouillef, regarde, vois-moi celui-ci. Le sort me l'a montré et je te le montre. Que m'est-il et que lui suis-je, moi? Il nous est tombé, Dieu sait d'où. Mais le voici, et moi aussi. C'est comme à la foire. Là-bas, frère, y en avait-il des équipages? Un fouillis. J'ai joué, figure-toi, à la fortune. À la fortune, moi. Je tourne la flèche, bon, un pot de pommade. Je tourne, une tasse de porcelaine. Je tourne, une guitare. Puis je tourne, je tourne, je tourne. Diable emporte, je repère mes gains et 6 roubles argent en sus. Ah, j'aurais voulu te voir faire la connaissance du lieutenant. J'oubliais de te dire, nous avons été ensemble à presque tous les bals. Il y en a un où il s'en trouvait une, si légèrement costumée, mais si légèrement, vois-tu, je pensais, diable emporte. Mais Kouvchinikov, ah, l'animal, oh, le dragon, ah, bestia, bestia, 2 heures entières il lui a débité en français, naturellement, en français, des compliments, brrr. Au reste, il faut dire qu'il en avait une fameuse réserve, même pour les simples petites dames qui n'entendent que le russe. Quel luron! Il appelle ça « sauter le harnais » et faire que le club local se souvienne un peu qu'on est en foire. À propos, un spéculateur avait amené une superbe partie de poissons séchés, fumés, des dos d'esturgeon surtout. Oh, justement, j'en ai un là dans l'horrible patache, vous verrez. C'est heureux que je l'ai acheté pendant que j'avais de l'argent. Ça, Tchitchikov, où est-ce que tu vas maintenant, cher? Je vais chez un individu à qui j'ai affaire. À tous les diables, individu, cher ami, tu viens avec moi. Non, puisque j'ai affaire. Affaire, à d'autres. À toi, ô Podeldok Ivanovitch. Affaire, bien trouvé, ma foi. Non, vrai, j'ai une affaire à traiter. Et urgente même. Je parie que tu mens. Eh bien, voyons, dis. Dis chez qui? Chez Sabakevitch. À ce nom, Nozdrev partit d'un de ces éclats de rire à cascade dont seuls sont capables les hommes frais et sains, aux dents de sucre raffinées, aux joues veloutées et rebondies. Un voyageur, qui s'étirait à moitié endormi dans une troisième chambre, ressauta, resta sur son séant une minute ou deux, sans pouvoir se rendre compte de ce qui se passait, et finit par murmurer « Oh, diable, le fou qui rit là-dedans a ébranlé les portes, les poutres et les plafonds !»« Qu'y a-t-il donc là de si risible ?» dit Tchitchikov. Nozdrev continua de rire aux éclats. Et seulement on entendait de temps en temps des demi-mots et des mots entiers qui étaient comme des notes de repère dans les soubresauts et les saccades d'une variation éperdue. « Saba, chez Saba, Kevitch, oh, oh, oh, oh. Ah, laisse donc, laisse-moi un peu rire, rire, ou j'en crèverai, oh, oh, oh. Chez Saba, Kevitch, oh, ouf !» Il n'y a rien là de risible. Je lui ai donné parole et je vais, en effet, d'ici, droit chez lui. Eh bien, moi, je te dis que tu te souviendras toute ta vie d'être allé là. Sa vie comme un meurt de faim. Je ne dis pas pour sa table. Il mangerait la portion de 3 éléphants à son déjeuner. Mais c'est un animal. Je connais ton caractère. Va, tu auras un fameux pied de nez si tu comptes trouver là ton Boston, ton whist. Ton petit pharaon et quelques bouteilles de champagne bonbon. Ah, bien oui, c'est joliment son style. Écoute, frère, crois-moi, envoie au diable Sabakevitch et viens avec moi. Ah, cher ami, de quel balique je le régalerai. Ponomareff, en me le donnant, me saluait, et il me disait, c'est pour vous seul au moins. Tournez et retournez toute la foire, vous ne trouverez pas un balik de cette qualité-là. » Tu me diras que Ponomareff est un filou. Eh, mon Dieu, je lui ai dit en face, « Écoute, notre pourvoyeur et toi, vous êtes les deux plus insignes voleurs du gouvernement. » Il a ri, l'animal. Oui, il a ri en se caressant la barbe. Kouvchinikov et moi, nous déjeunions chaque jour dans sa boutique. Ah, frère, j'oubliais de te dire. D'abord, je sais que tu ne me quittes plus. Tu vas voir quelque chose que je ne céderai pas pour 10 000 roubles. Je t'en avertis d'avance. Hé, Porfiri, cria-t-il de la fenêtre à son domestique. Ce manant dégrossi, pourvu d'un couteau serpe, expédiait un gros quartier de pain surmonté d'une forte tranche de balik que le drôle avait adroitement enlevé en tirant quelque objet de la profondeur de la vieille calèche. « Hé, Porfiri !» cria Nozdrev. « Apporte-moi le cagnoul !»« C'est celui-là qui sera un crâne matin !» continua-t-il en s'adressant à Tchitchikov. « Je ne l'ai pas acheté, mais bien volé. Celui à qui il était ne voulait pour rien au monde s'en défaire. Mais, halte là, j'avais jeté le grappin. Je lui ai promis ma jument gris pommelée. Tu sais que Kostireff a échangé avec moi contre les deux petits alezans de l'oncle. » Tchitchikov ne connaissait pas plus l'oncle ni Kostireff qu'il ne connaissait les deux alezans ni la jument grise. Il est clair que Nozdrev faisait confusion. Mais il était sujet à ce genre de confusion. Barine, qu'est-ce qu'on vous servira? Vint demander en ce moment l'hôtesse au bon Nozdrev, très préoccupée du matineau que l'homme n'apportait pas assez vite. Rien. Ah, frère, comme nous nous en sommes donnés. Au reste, oui, apporte-nous de l'eau-de-vie. Mais un moment, quelle eau-de-vie as-tu? J'ai de l'anisette. Bon, donne-moi un petit verre d'anisette. Et à moi aussi un verre, et qu'il soit propre, dit le grand blond. Au théâtre, il y avait une actrice qui chantait comme un serin, la canaille. Kouvchinikov, qui était assis près de moi, me dit, voilà, frère, avec qui il ferait bon aller à la cueillette aux fraises. Il me semble qu'il y avait bien à la foire au moins une cinquantaine de baraques de bateleurs et de cabotins de tout genre. J'ai vu là un nommé Fénardi faire 4 heures durant la roue du moulin sans se reposer une minute. Ici, Nozdrev reçut un verre d'anisette rustique tout droit des mains de la vieille, qui, pendant qu'il absorbait d'un trait ce breuvage, lui fit une profonde révérence. « Ah, bien, donne-le-moi » cria-t-il en voyant entrer Porfiri, porteur du matineau. Porfiri était vêtu exactement comme son maître, avec cette seule différence que son arcalouque ouaté était plus noir et plus graisseux. « Là, là, non, mets-le ici. Oui, ici, sur le plancher. » Porfiri déposa sur le plancher un petit chien rondelé aux 4 pattes écourtées, et dans cette pose à la crapaudine, il flairait très gentiment de son petit museau le plancher poudreux. « Voilà, voilà un chien !» dit triomphalement Nozdrev en le tenant suspendu par la peau du cou. Et le matineau poussa un petit gémissement plaintif. « Eh bien, tu n'as pas fait ce que je t'ai ordonné ?» dit Nozdrev à Porfiri en regardant le ventre du petit chien. « Tu n'as pas même pensé à le peigner ?»« Comment ? Je l'ai peigné. Et d'où vient qu'il est plein de puces ?»« Je n'en sais rien. Peut-être qu'elles lui sont venues de la britchka. » « Tu mens, tu mens. Tu lui as laissé ses puces et tu lui en as ajouté des tiennes. Vois donc, Tchitchikov, quelles oreilles. Oui, mais touche donc de la main. » « Je vois cela. C'est un chien de bonne espèce, » dit Tchitchikov. « Mais touche-lui donc les oreilles. Les oreilles, vois-moi cela. » « Oui, oui, ce sera un fort bon chien, » dit notre héros en touchant les oreilles du cagnoul pour complaire à Nozdrev. Et vois quel nez froid! Soupèse! Soupèse! Tchitchikov, pour ne pas contrarier un ami, prit le chien d'une main, lui toucha le nez de l'autre et le remit sur le plancher en faisant une petite moue admirative et disant « Un flair superbe !»« Je le crois bien, c'est un vrai mordache. J'avoue qu'il y avait bien longtemps que j'en convoitais un. Bien, Porphyrie, emporte-le, et le soigne un peu mieux. Prends-y garde, drôle. » Porphyrie prit le petit animal sous le ventre et le reporta dans la vieille calèche. « Écoute, Tchitchikov, il faut absolument que tu viennes à présent, même chez moi. Saint-Verst au plus, nous serons là en 20 minutes. De chez moi, tu iras ensuite chez Sabakevitch, si le cœur t'en dit. » Tchitchikov pensa en lui-même. « Au fait, pourquoi n'irai-je pas chez Nozdrev? En quoi vaut-il moins que les autres? Il est comme tout le monde, et de plus, il vient de se mettre à sec à la foire. On voit qu'il suit en tout son premier mouvement. Il peut y avoir moyen d'obtenir de lui gratuitement quelque chose que je sais bien. » « Bien, bien, allons, dit-il, mais ne t'avise pas de me retenir au-delà de quelques heures, car le temps m'est précieux. À cette condition, je suis maintenant tout à toi. » Ah, la bonne heure! C'est convenu, mon âme, c'est convenu. Avance. Il faut pour ça que je t'embrasse. » Là-dessus, Nozdrev et Tchitchikov échangèrent des baisers. Voilà qui est bien. Nous allons nous mettre tous les trois en route. Non pas, de grâce. Et je prends, quant à moi, mon congé, dit le grand blond. J'ai affaire chez moi. Ta-ra-ta-ta, des folies! Bah, frère, je ne te lâche pas. Non, vrai, ma femme serait furieuse, et elle aurait grandement raison de l'être. Maintenant, monsieur t'offrira bien une place dans la britchka, n'est-il pas vrai? N'ose pas penser à nous quitter. Le grand blond était un de ces hommes dont le caractère desquels, au premier coup d'œil, on lit indépendance et obstination. On a à peine ouvert la bouche que vous les voyez déjà disposés à dire non. Il semble que jamais on ne les amènera à reconnaître pour sages ce qui est manifestement contraire à leurs sentiments. Il semble que jamais ils ne traiteront un sot en homme d'esprit, et surtout que personne, jamais, ne les fera danser à sa flûte. Puis, en suivant un peu de l'œil leur conduite, on ne tarde pas à voir qu'ils sont, en réalité, d'une insigne mollesse, qu'ils cèdent le plus facilement du monde, juste sur les points où ils étaient le plus intraitables, qu'ils acceptent pour gens d'esprit les plus grands sots et vont danser d'assez bonne grâce à la musique de ceux qui braillent. « Absurde !» dit Nozdrev, répondant à quelque objection du grand blond, qu'il coiffa aussitôt de sa casquette. Ils descendirent ensemble l'étroit escalier. À leur vue, les équipages se rapprochèrent du perron. « Et pour la nisette, barine, vous n'avez pas payé, » dit l'hôtesse. « Ah, c'est bien. Écoute, beau frère, paye, je te prie. Je n'ai pas un gros de cuivre en poche, figurez-vous. »« Qu'est-ce qu'il te faut, la mère ?» dit le beau frère. « En tout, 80 copecks. »« Elle radote, donne-lui 50 copecks, c'est plus qu'assez. »« C'est peu, barine, » dit la vieille, qui n'en prit pas moins la pièce avec joie. Elle n'était pas en perte, car elle avait, à bon escient, demandé le quadruple du vrai prix de son anisette. Aussi, s'élançant essoufflée sur son perron, elle ouvrit les portes avec soin et se confondit en révérence à l'adresse du noble trio, qui ne faisait plus la moindre attention à elle. Les voyageurs prirent place. La britchka roula de front avec celle des deux beaux-frères, de sorte qu'ils pouvaient librement dialoguer chemin faisant, au risque de se mordre le bout de la langue. À leur suite roulait, mais de plus en plus distancée à chaque minute, la petite calèche de Nozdrev, tirée par des rosses qui n'avaient plus que la peau sur les os. Là était Porphyrie avec le matinot. Comme le dialogue qui avait lieu entre nos voyageurs offrirait, nous le sentons, un assez médiocre intérêt à nos lecteurs, nous aimons mieux mettre le temps à profit en leur parlant de Nozdrev, à qui il est très probablement réservé de faire quelques figures dans la suite de notre poème. La personne de Nozdrev est nécessairement un peu de la connaissance de tout lecteur russe. C'est un de ces hommes avec lesquels on ne peut manquer de s'être rencontré dans une maison de poste, à une foire, ou chez un hobereau quelconque. On les appelle les roués. Dès l'enfance, ils passent à l'école pour de bons camarades. Et malgré cela, ils sont souvent fort rudement battus. Dans l'expression de leurs traits, il y a toujours quelque chose de droit, d'ouvert et de franc. Il est dans leur usage de brusquer la connaissance, et vous n'avez pas eu le temps de les bien envisager que déjà ils vous disent « toi ». Quand ils vous donnent leur amitié, il semble bien que ça soit pour une éternité. Mais il arrive communément que le soir même, à la suite d'un joyeux souper, les deux nouveaux amis en soient déjà venus au coup. Ils sont grands parleurs, dissipateurs, bavards, affronteurs, batailleurs. C'est une race très voyante. Tel était Nozdrev à 35 ans, tel il avait été à 18 et à 24, grand amateur de la bamboche. Le mariage l'avait d'autant moins changé que sa femme n'avait pas tardé à quitter la partie et à passer dans l'autre monde, lui laissant pour fiche de consolation deux petits garçons dont, au fond, il n'a nul souci et à qui, pourtant, il ne manque pas d'attacher une bonne jeune, accorte et fraîche. Il lui était, en général, comme impossible de rester plus de 24 heures à la maison. Son nez, toujours au flair, éventait à 50 kilomètres à la ronde, sans ouvrir le calendrier, l'endroit où il y avait une foire avec tout le cortège ordinaire de bals et de plaisirs. En un clin d'œil, il était là. À peine arrivé, il avait des querelles, et il faisait esclandre autour du tapis vert. Car il avait, comme tous ses pareils, la passion des cartes. Aux cartes, comme nous l'avons vu dans le premier champ, il ne jouait pas toujours loyalement, ayant une certaine adresse de main pour les tours de passe-passe, de sorte que fort souvent la partie se terminait par un autre jeu, jeu dans lequel on ne se déchaussait point pour le meurtrir à coups de pied. Ses favoris plantureux et superbes étaient d'un attrait irrésistible en ces occasions, et parfois il regagnait les terres de son obéissance avec un seul favori, qui même était assez cruellement ravagé. Mais ses joues pleines et rebondies de santé étaient faites de si bonne chair et contenaient une telle force végétative que de nouveaux favoris croissaient plus beaux, comme pour le rendre content et fier de la perte de ceux dont on l'avait méchamment privé dans les orages forains. Et ce qu'il y a d'étrange, ce qui même ne peut arriver en aucun autre pays qu'en Russie, venait-il, au bout de quelque temps, à se trouver avec ses mêmes connaissances, ses mêmes compagnons de jeu et d'orgie, et deux à lui comme de lui à eux, l'accueil n'était ni pire ni meilleur qu'aux précédentes rencontres. Voyez-les. Quelle apparence qu'il se soit jamais rien passé de fâcheux entre ces hommes-là. Nozdrev était, sous un certain rapport, un homme historique. On n'a pas connaissance d'une assemblée où, par ses faits et gestes, il n'ait donné lieu à quelque histoire. Là où il s'arrête pour quelques heures, il est sûr que, si l'on n'a pas de gendarme pour l'emporter à bras-le-corps hors de la salle, ses amis sont nécessairement mis en demeure de déployer eux-mêmes la vigueur de leurs muscles et de le rouler jusque dans la rue. À défaut de pareille aventure, toujours bien lui arrivera-t-il quelqu'une de ces choses qui n'arrivent qu'à lui. Ou il se jettera à corps perdu au buffet et se dévouera à sécher 20 flacons avec intermittence de frénétiques éclats de rire, ou il se lancera en plein salon dans la blague transcendante, voie où il ira si loin que lui-même en aura presque conscience et scrupule. Souvent ainsi, sans but, il se surprend à faire de l'art dans le mensonge, comme simple amateur d'improvisation hasardée. Tout à coup, il ne sait pas plus que vous à quel propos, il vous racontera par exemple qu'il avait un cheval au pelage bleu lapis lazuli, ou rose tendre, ou quelque autre bourde de même valeur. De sorte que ceux qui auparavant l'écoutaient s'en vont en lui disant « Allons, frère, il paraît que tu te mets à fondre les balles ». Il y a des gens qui ont la manie de faire un désagrément à la personne qui se trouve pour le moment devant eux, sans autre mobile que le plaisir qu'ils prennent à mystifier. Tel, par exemple, homme de marque pourtant, doué d'un noble extérieur et plaqué d'une étoile, vous serrera la main, vous entretiendra d'objets fort graves, éveillant par là dans votre esprit un ordre de pensée des plus sérieux. Et puis tout à coup, du même ton, du même air, il vous lâche une bourde grossière et vous regarde en face d'un front extrêmement calme. C'est une mystification, soit. Mais, à bien considérer la bourde mystifiante en elle-même, il vous est fort difficile d'en concilier la grossière absurdité avec ce beau visage d'homme, avec cette étoile qui décore sa poitrine, avec ce noble début de conversation propre à évoquer les grandes et profondes pensées, en sorte que vous restez là à vous perdre en conjectures, et n'y comprenant rien, vous haussez les épaules, c'est tout. Nozdreff, lui, n'était pas constellé, mais il avait cette passion, et toutes les personnes qui l'approchaient de plus près étaient les plus exposées aux traits de ce genre. Il répandait les faux bruits les plus apocryphes qu'on pût ramasser en aucun lieu. Il avait rompu un mariage, il avait mis obstacle à une affaire de commerce considérable, et il ne se regardait nullement comme votre ennemi. Tout au contraire, si l'occasion vous le faisait rencontrer de nouveau, il se montrait plein d'affection et disait « Ça, il faut pourtant que tu sois une fière canaille, que tu ne viens jamais me voir chez moi. » Nozdreff était divers et multiple de sa personne. Il était tout à tous et à toutes, mais par frasque et non autrement. Dans la même minute, il vous proposait d'aller où il vous plairait, de prendre part n'importe à quelle entreprise, de changer avec vous quoi que ce soit du vôtre contre quoi que ce soit du sien, fusil, chien, cheval, britchka, montre ou pipe, tout était pour lui objet d'échange. Non qu'il eût la moindre idée de gagner à ceci. C'était simplement l'effet d'une manie de fugue et de volte-face, d'une mobilité extrême de caractère, d'un éréthisme d'émotion tel quel. Si, à la foire, il lui arrivait de tomber sur un simple et de le mettre à sec, il courait aussitôt à acheter tout ce qui, avant sa victoire, lui avait frappé les yeux dans les boutiques et autour des boutiques. Des harnais, des pastilles de sérail, des mouchoirs de cou pour la petite bonne, un poulain ou un poney, une caisse de raisins secs, un lavabo d'argent, une pièce de toile de Hollande, un sac de fleurs de farine, une paire de pistolets à 5 coups, un baril de harangues, des tableaux, un devant de cheminée, un aiguisoir à procédé pour les couteaux, des pots, des bottes de chasse, de la faïence, et cela pour tout l'argent gagné. Mais il arrivait rarement que ce bagage parvint à destination. Souvent, dès le même soir, le tout était livré à un autre joueur plus favorisé ou plus retors. Parfois, avec addition de la pipe, plus ou moins richement montée du perdant, et de la montre garnie de sa chaîne d'or, et d'autres fois, avec tout un attelage de 4 beaux pareils, le cocher et la calèche y compris. De sorte qu'après cette injure de la fortune, le gentilhomme en était réduit à courir, en simple petit surtout ou en arcalouc d'étoffe bourcard, à la recherche de quelque ami qui consentit à le prendre dans son équipage. Tel était Nozdreff. Il est très possible que certaines personnes disent que c'est là une figure bien usée, et que s'il y a eu des Nozdreff, il n'en existe plus aujourd'hui. Hélas, ceux qui parleront ainsi sont peut-être de fort honorables patriotes, mais je dois à la vérité de déclarer que rien n'est plus vivant, plus vivace, plus répandu que le Nozdreff dont je viens d'esquisser le caractère. Oui, Nozdreff est partout au milieu de nous. Seulement, l'enveloppe, le cafetan diffèrent un peu de Nozdreff à Nozdreff. Il y a dans le monde des personnes pleines d'exigences. Pour reconnaître le Nozdreff de ma peinture, il faudrait qu'elles le vissent en arcalouc, la figure ornée d'énormes favoris à clairière, et pour cadre une foire. Sans quoi, à leurs yeux, Nozdreff n'est plus Nozdreff. Changez de cadre, elles ne voient plus le tableau. Cependant, les 3 équipages étaient venus défiler devant le perron de Nozdreff. Rien dans la maison n'était préparé à recevoir maître ni visiteur. Au beau milieu de la salle à manger, passaient en pied de bancs et châssiers deux tréteaux surmontés de deux badigeonneurs qui reblanchissaient le plafond, la corniche et les murs, en entonnant une de ces chansons sans fin dont la campagne seule connaît le charme secret. Nozdrev fit à l'instant mettre dehors les manœuvres avec leurs tréteaux et lavera l'écouvillon de tille le plancher de la pièce. Puis il se jeta dans la chambre pour donner certains ordres. Les deux visiteurs l'entendirent commander au cuisinier un dîner en règle. Tchitchikov commençait déjà à sentir une petite pointe d'appétit. Mais d'après le menu qui venait d'être tracé, il lui fut facile de conclure qu'on ne se mettrait pas à table avant 5 heures. Nozdrev rentra, résolu de montrer à ses convives tout ce qui se trouvait dans son domaine. Et en effet, en 2 heures de temps, il leur fit voir tout, ce qui s'appelle tout, superficiellement sans doute, mais inexorablement tout, et l'exercice fut rude. Ils allèrent d'abord, comme de raison, à l'écurie. Là, ils virent 2 juments, l'une de robe gris pommelée, l'autre alezan strié de jaune. Puis un étalon bête d'assez peu d'apparence, mais que Nozdrev jurait avoir payé 10 000 roubles. « Tu n'as pas donné 10 000 francs de cette bête-là, allons donc. 1 000, peut-être, oui, » dit le beau-frère. « Dieu m'est témoin que je l'ai payé 10 000. « Prends Dieu à témoin tant que tu voudras, je n'en crois rien. »« Parions, parions !»« Je ne veux pas parier. » Nozdrev montra des stalles vides où il y avait eu aussi, naguère, de superbes bêtes. Ils trouvèrent sans surprise, dans ce même endroit, un vieux bouc, animal qu'une ancienne croyance fait regarder comme indispensable dans une écurie où l'on prend quelques soucis du salut des chevaux. Le bouc de Nozdrev exhalait des senteurs énergiques. Il vivait au mieux avec plus gros que lui, et, en passant et repassant à plaisir sous le ventre, soit de l'étalon, soit des juments, il était évidemment chez lui et ne faisait pas autrement sensation. Ensuite, Nozdrev mena ses hôtes voir un louveteau qu'il tenait à la chaîne. « Voici, dit-il, un louva, regardez-moi ses yeux. Je le nourris de viande de boucherie toute crue et saignante, bien entendu. Oh, moi, je veux que ce soit un fauve, un carnassier, un vrai loup. Si je le vois faire le bon chien, je lui casse la tête sur place. » Ils allèrent de là visiter l'étang, où, au dire de Nozdrev, on pêchait des poissons d'une belle taille, que c'était peu de 2 hommes pour en porter un de biais sur une civière, jusqu'au large banc qui est sous les fenêtres de la cuisine. Ce dont toutefois le beau-frère douta fort, et il ne se gêna pas pour le dire. « Ah, ça, Tchitchikov, dit Nozdrev, je vais te montrer une admirable laisse de chien. Ce sont des chairs, un jarret, une oreille, un flair. En général, mes chiens n'ont pas leur pareil dans le district. » Et il mena ses hôtes à une très jolie petite construction, entourée d'une grande cour fermée de toutes parts par une bonne palissade. À peine entrés dans l'enclos, ils virent grouiller, aboyer, hurler, bâiller, frétiller et bondir tout un peuple de chiens de tous les pelages, de toutes les formes de pattes, de museaux, d'oreilles, portant les noms les plus bizarres. Strelaï, Ubrugaï, Porcaï, Severga, Kasatka, Dopekaï, Pripekaï, Nagrada, Pojar et 20 autres. Nozdrev était là parfaitement au sein de sa famille. Tous les fidèles sujets de ce petit empire, portant la queue, qui horizontalement, qui verticalement, qui en trompette, accoururent à l'envi, comme pour souhaiter la bienvenue au trio de gentilshommes. Le plus vif enthousiasme fut surtout, comme de droit, pour le maître, qui eut pour un moment sur les bras, les épaules, le dos et la poitrine toute une pèlerine de 20 ou 24 grosses pattes amies. Obrugaï crut devoir témoigner les mêmes égards à Tchitchikov, et, parfaitement debout devant lui sur ses pattes de derrière, Il lui lécha les lèvres, les narines et les gencives de sa vigoureuse langue, avec toute l'affection possible, et ne fut pas médiocrement étonné de voir l'objet de ses honneurs lui cracher aux yeux avec une ingratitude complète. Ils passèrent en revue les chiens les plus remarquables par la fermeté de leur chair noire. Il y avait là, en général, de fort bons chiens. Les trois seigneurs allèrent ensuite faire une visite à une chienne de Crimée, devenue aveugle de vieillesse, mais qui, 2 ans auparavant, était une admirable bête. Elle était, en effet, aveugle et en danger de mort. Ils allèrent de là examiner le moulin, joli moulin placé sur un cours d'eau qui tarit peu, mais il y manquait la pièce dans laquelle on a fermé la meule. « Allons maintenant voir ma forge, » dit Nozdref. Et ils allèrent visiter une forge assez bien établie, seulement sur un trop grand pied pour un pareil domaine, et assez loin de la route. « Tenez, voici un champ, » dit Nozdref en prenant à gauche de la forge, « un champ où il y vient tant de lièvres qu'il y a des heures où on ne voit plus un pouce de terrain. » C'est au point qu'en me promenant par ici sans penser à rien, moi qui vous parle, j'en ai attrapé un par les pattes de derrière. Bah, jamais, jamais tu n'attraperas un lièvre à la main, fit observer le grand blond. Il le faut pourtant bien, puisque je te dis que j'en ai pris un. À présent, je vais te faire voir ma frontière, reprit Nozdref s'adressant à Tchitchikov. C'est la ligne où finit ma propriété. Nozdref conduisit ses hôtes à travers un champ en très grande partie inégale, plein de ronces, de pierres et de flashs qui le rendent indéfrichable. Nos promeneurs devaient monter et descendre à chaque pas, faire des détours fatigants et parfois traverser des espaces labourés. Tchitchikov commençait à éprouver une certaine lassitude. Dans beaucoup d'endroits, les pieds se sentaient sur un sol spongieux et moite, où la trace des pas se remplissait d'eau, tant le niveau en était bas. Dans les premiers moments, ils avancèrent avec précaution. Mais, voyant bientôt que leur prudence tournait contre eux, ils marchèrent droit en avant, sans regarder où il y avait plus ou moins de vases. Après avoir parcouru de la sorte une assez grande distance, ils virent en effet une limite qui consistait en un poteau et en un petit fossé. « Voici ma limite !» dit Nozdref. « Tout ce qui est de ce côté-ci est à moi. Et même de ce côté-là, tiens, ce bois que nous voyons bleuir là-bas, avec ce qui s'étend de bonne terre derrière le bois, c'est aussi à moi. » « Et quand donc ce lieu-là est-il devenu la propriété ?» dit le beau-frère. « Est-ce que tu l'as acheté récemment ? Il n'était pas à toi, mais bien à... « Récemment, oui, tout récemment, » répondit Nozdref. Comment as-tu donc fait pour acheter des bois en si peu de temps? Car il y a 3 jours, j'en ai fait l'acquisition. Et, ma foi, j'avoue que je l'ai payé diantrement cher. Il y a 3 jours, tu étais à la foire. Eh, saufron, que tu es singulier! Est-ce qu'on ne peut pas en même temps être à la foire à 30, à 50 verstes, et acheter ici un terrain dont on a envie? J'étais à la foire, moi, de ma personne. Mais mon intendant, ici, a terminé pour moi. C'est ton intendant qui a passé le contrat. Bravo, c'était pressé. Eh bien, soit. Et malgré cette phrase conciliante, le taquin continua à douter du fait de l'achat. Je n'en veux pour preuve qu'un certain branlement qu'il imprima à sa tête pendant plus de 5 minutes. Il y a des parents bien fâcheux parfois. Les conviés de l'acquéreur de forêt furent ramenés par le même détestable chemin à la maison domaniale. Nozdref les conduisit droit à son cabinet, où, du reste, il n'y avait pas trace de livre, de papier ni de bureau-table, ni de rien de ce qu'on voit dans tous les cabinets. Il n'y avait là que des sabres, sans prix, entendez-les comme vous voudrez, puis 2 fusils, l'un de 300, l'autre de 800 roubles. Le beau-frère les regarda l'un et l'autre, et de nouveau branla la tête. C'était chez lui une sorte de parti pris. Puis furent exhibés des poignards turcs, sur le meilleur desquels était gravé, par quelque erreur sans doute, Savelli Sibiriakov, ce qui supposerait un armurier russe. Russe, impossible. Après les poignards, il fut exposé un orgue de barbarie. Nosdreff, placé en face de ses conviés, se mit, pour les charmer, à tourner lui-même la manivelle. L'orgue joua, et même assez agréablement. Mais il paraît qu'il y avait eu dans le mécanisme quelques perturbations dont l'effet ne laissait pas que d'avoir sa bizarrerie, car l'ouverture du jeune Henri prenait, sans autre transition qu'une sorte de hoquet ou de sanglot, le beau milieu de Malbrook s'en va en guerre, qui lui-même devenait presque aussitôt la valse de la reine de Prusse, prise à la cinquième ou sixième mesure, pour entrer 20 mesures plus loin, en pleine ouverture de la caravane du Caire. Nosdreff, sentant bien qu'il y avait là quelque chose de peu régulier, abandonna la manivelle. Mais il se trouvait dans cet orgue une flûte des plus obstinées, qui persista encore plusieurs minutes à siffloter toute seule, avant d'exhaler deux ou trois grognements sourds dans lesquels elle s'éteignit. Au jeu de l'orgue succéda une revue de pipes. Il y en avait en bois, en terre blanche, en écume de mer, il y en avait déculottées et de non-culottées, d'encôtes maillées de laiton et de non-emmaillotées, mais simplement coiffées d'un casque. Il y eut un tuyau de bois de rose surmonté d'un superbe mundschuk d'ambre, récemment gagné aux cartes, et une bourse à tabac. Je crois pouvoir dire une blague. Brodée par une certaine comtesse, quelque part, dans une maison de poste. Charmante femme, qui était tout à coup devenue folle de Nosdreff. Selon lui, elle avait des mains du plus exquis superflu. Mot de peu d'usage dans le langage russe, mais dont l'emploi dans la bouche de Nosdreff parut vouloir signifier le comble de la beauté et de la délicatesse dans le modelé. Après une légère dégustation apéritive, consistant en un tout petit morceau ou deux ou trois du fameux balik rapporté de la foire et un bon verre à madère d'eau-de-vie commune, les trois gentilshommes se mirent à table en d'excellentes dispositions. Il était à peu près 5 heures. Il paraît que le dîner n'était pas, chez Nosdreff, regardé comme un objet digne de beaucoup d'attention. Les plats avaient bien peu de figure. L'un était brûlé, un autre n'était pas cuit. Le cuisinier, probablement, se livrait sans contrainte à son inspiration du jour. Il jetait dans ses casseroles ce qui lui tombait sous la main. Avait-il près de lui du poivre? Il mettait du poivre. Un chou? Il mettait son chou. Il versait du lait et du sirop de sucre avec des feuilles de laurier et du clou de girofle. Puis il jetait des tranches de jambon, des pois, des abattis de volaille et force cannelle. Bref, tout y passait, et il ne s'agissait que de servir chaud. Le mets aurait toujours bien une saveur quelconque. Nosdreff ne fit aucune attention à ce qui fut présenté en ce genre de produit. Mais il fut, en revanche, doublement attentif au service des vins. On n'avait pas encore donné la soupe qu'il avait déjà rempli 2 grands verres devant chacun de ses convives, l'un de vin de Porto, l'autre de Haut Sauterne. Notez, je vous prie, que c'était du Haut Sauterne, car vous saurez que, dans nos chefs-lieux de gouvernement et dans nos villes de district, de mémoire d'homme, on a vu paraître une seule bouteille de pur et simple vin de Sauterne. La soupe était à peine absorbée et l'un des verres pleins à peine effleuré, que Nosdreff fit déboucher une bouteille d'un madère tel que le feld maréchal lui-même n'avait rien de meilleur à sa table. C'était, en effet, un madère si plein de feu qu'il brûlait le palais et l'œsophage. Nos marchands, connaissant le goût des seigneurs de la province pour le meilleur madère, ne manquent jamais d'y mêler une bonne dose de rhum, si ce n'est même de vodka tsarienne, parfumée au sucre brûlé, persuadés qu'ils sont que l'estomac russe supporte tout au monde. Puis Nosdreff donna ordre qu'on apporta la fine bouteille de bourguignon champagnon, et il nous expliqua que ce vin, encore peu connu et très cher, a le double bouquet du Bourgogne et du Champagne, s'il est pris à la chaleur de la chambre. Que tiède, c'est un excellent Bourgogne, et que frappé à la glace, c'est quelque chose de plus fin que le crémant, comme pur champagne. Le libéral dispensateur de ces excellents vins versait avec un zèle infini dans les verres de ses conviés. Tchitchikov remarqua, sans faire semblant de rien, que le cher hôte ne se versait à lui-même presque rien. Cette observation le mit sur ses gardes, et dès que Nozdrev se tournait vers son beau-frère, soit pour lui adresser la parole, soit pour lui verser rasade, il se versait de renverser son verre dans son assiette. Bientôt, Nozdrev fit apporter sur la table un ratafia de sorbier qui avait, disait-il, tout à fait le goût de la prune de Reine Claude, mais qui, en réalité, exhalait une forte odeur de brandevin imparfaitement saturé de sorbe cueillie avant maturité. Les conviés, paraissant ne point trouver le goût de prune au prétendu ratafia, Nozdrev ne douta point qu'il ne rendisse du moins justice à un certain balsame ou baume de dessert, le seul vrai parfum des bouches, qui portait un nom si difficile à retenir en mémoire qu'aux trois fois qu'il le dit, il y eut des variantes incroyables, mais dont il ne parut pas avoir conscience. Le dîner et la popination prirent fin, mais longtemps encore les convives restèrent attablés. C'est que la verbosité du maître de la maison tarissait moins vite que ses bouteilles. Tchitchikov n'avait garde d'aborder auprès de Nozdrev, en présence du grand beau-frère, la question qu'il ne perdait jamais de vue. Le beau-frère était un tiers, et il est des négociations qui ne souffrent pas un tiers. Ce tiers fut-il un aveugle, un sourd-muet, un homme annihilé, un homme chargé de sommeil, et venant à tout moment becqueter la table du bout de son nez, comme le faisait déjà le grand blond. Mais celui-ci, ayant lui-même remarqué son état, et craignant de sombrer en ses parages, demanda la parole et sollicita une autorisation de départ. Il parla d'une voix lourde et pâteuse, qui le faisait ressembler à l'homme qui, selon le dicton russe, entreprendrait de seller un cheval de roulier et de lui passer le licou en se servant d'une pince à fil d'archal au lieu des deux bras. « Non, non, non, je ne te lâche pas !» cria Nozdrev. « Cher ami, ne me retiens pas, il faut que je parte. Tu me désobligerais beaucoup que de me retenir ici 10 minutes de plus, » balbutia le beau-frère. Que sa chaise, bien que légère, embarrassait singulièrement, tant elle se montrait attachée à ses jambes. « des bêtises, nous allons faire une petite banque. »« Fais ta banque toi-même, comme tu l'entendras. Moi, je ne peux pas rester. Ma femme est sûrement furieuse contre moi. Il faut que j'aille lui dire tous les détails de la foire. Je lui dois, vrai, je lui dois ce petit plaisir-là. » « Tu me fais une grande injure que de songer seulement à me retenir. »« Ah, ta femme, est-il bon avec sa femme? La grande affaire, vraiment, que vous avez à traiter ensemble aujourd'hui. »« Non, frère, vois-tu, c'est une femme si bonne, si dévouée, si sage. Elle me rend de tels services que, tiens, les larmes me viennent aux yeux. »« Non, non, ne me retiens pas. Foi d'honnête homme, je pars. » « Je te le dis en toute sincérité, il faut que je parte. »« Et qu'il parte! Qu'est-ce qu'il y a à faire de lui ?» chuchota Tchitchikov à l'oreille de Nozdrev. « Au fait, c'est bien vrai !» dit Nozdrev. « Moi, j'exècre les gens fadasses !» Et il ajouta en haussant la voix et les épaules. « Bon, ta femme veut pelotonner sa laine, va lui tenir les chevaux, que le diable t'emporte, Fétiouk !» Oh. « Frère, ne m'appelle pas Fétiouk à propos d'elle. Moi, je lui dois la vie. Elle est si charmante, si bonne, si caressante. Elle entre dans les moindres détails. Je devrais lui dire tout, tout ce que j'ai vu à la foire. »« Oh, excellente, excellente. »« Eh bien, va donc la trouver. Allons, file. Mais file donc. »« Je pars, frère. Tu es chez toi. Excuse-moi, je ne puis rester. Vrai, je ne puis pas. » C'est à mon grand regret que je te quitte comme ça, mais impossible autrement. File, on te dit. impossible autrement. Pardon. » Le beau-frère répéta encore bien longtemps ses excuses. Il était assis dans sa britchka que Tchitchikov l'entendit de la fenêtre qui s'excusait encore. Et quand il fut bien loin, et qu'il n'avait plus autour de lui que des champs de blé, Tchitchikov observa, au grand geste qu'il faisait, sans nul souci du cocher, qu'il continuait de se confondre en des excuses que le vent ne pouvait apporter jusqu'à eux. Quelque chose nous dit que sa femme dut remettre au lendemain pour satisfaire sa curiosité sur les détails de la foire. Un garçon de rien, dit Nozdrev qui se tenait à la fenêtre et regardait l'équipage s'éloigner au grand trot. Mais je suis moi-même content qu'il ait vidé le plancher. Son cheval de volée n'est pas mauvais, sais-tu? Il y a bien longtemps que je veux le lui raccrocher. Mais le moyen, je te prie, d'empoigner un homme qui se fait tout de suite un bouclier de sa femme. Pouah! Fais tchouk! Fais tchouk! Là-dessus, ils passèrent dans la chambre de réception. Porfiry donna des lumières. Tchitchikov remarqua dans les mains de son hôte un jeu de cartes sous banderole. D'où sortait ce jeu de cartes, c'est ce qu'il ne put deviner, car il ne vit Nozdrev ouvrir aucun tiroir, ni même s'approcher d'aucun meuble. « Ça, frère, pour employer à quelque chose le temps de notre soirée, je fais la banque pour 300 roubles, n'est-ce pas ?» dit Nozdrev. Et tout en parlant, il pressa légèrement les cartes. L'enveloppe banderolée creva, sauta et fut repoussée du pied derrière un cachoir. Tchitchikov feignit de n'avoir rien vu ni entendu, et, comme s'il se rappelait une chose, il se hâta de dire « Ah, j'oubliais, j'ai une prière à te faire. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Promets que tu accompliras une prière. »« Dis quelle prière ?» Non, pas, promets d'abord. Bon. Parole d'honneur? Parole d'honneur. Voici ma prière. Il est certainement mort dans ton village, depuis le dernier recensement, beaucoup de paysans qui ne sont pas encore rayés de la révision. Oui, après. Fais-les passer sous mon nom, cède-les-moi, hein? Qu'as-tu à faire de ça? Cela me sera bon à quelque chose. À quoi, par exemple? À quelque chose, je te dis, bien sûr, à quelque chose. Tu as quelque idée, c'est clair. Quelque trame ténébreuse, quelque tour pendable se prépare. Quel trame, quel tour, allons donc, quel tour joue-t-on avec rien? Des morts, ce n'est rien, à la bonne heure. Mais encore, pourquoi t'en faut-il? Es-tu curieux? Qui va flairer ainsi chaque bagatelle? Ainsi, tu ne veux pas me dire le pourquoi? Je te le dirai si tu avais le moindre avantage à le savoir. Eh bien, c'est comme ça, une fantaisie. Ah, tu biaises. Eh bien, je ne fais rien que tu ne m'aies expliqué le pourquoi. Tu vois, est-ce honnête à toi? Tu as donné ta parole, et voilà qu'aussitôt tu la foules aux pieds. Chante, chante. Je ne fais rien que tu ne m'aies dit ce que tu veux faire de mes morts. Tchitchikov pensa qu'il fallait pourtant bien se décider à lui donner une raison quelconque. Il réfléchit un peu en balançant la tête, puis il déclara, d'un air de confidence amicale, qu'il lui fallait un certain nombre d'âmes mortes pour acquérir un certain degré de considération dans le monde, qu'il ne possédait que de petites terres éparpillées, et qu'un bon chiffre en âmes ferait meilleur effet pour lui. « Tu mens, tu mens !» cria Nozdrev sans lui laisser le temps d'achever. « Fille, tu mens, je te dis !» Tchitchikov sentit qu'il avait, en effet, allégué là un prétexte assez misérable. Il reprit. « Ah, je vois bien qu'on ne peut pas te tromper, toi. Allons, je vais te dire la vérité. Seulement, je t'en prie, ce sera tout à fait entre nous, n'est-ce pas ? J'ai résolu de me marier. Oui. Mais il faut que tu saches que le père et la mère de la jeune personne sont des gens positifs et ambitieux que c'est une pitié. Je n'ai pas le courage de me dégager, mais l'épreuve est rude pour moi qui vivais si insoucieux. Ils veulent absolument que le futur de leur fille soit propriétaire et seigneur de 300 âmes au moins. Et comme je n'ai pas, je te l'avoue, 150 âmes vaillant sur terre, il m'est venu l'idée de compléter en appât. Allons, voilà que tu mens de plus belle. Tu mens, entends-tu? Eh bien, moi, je soutiens que je ne t'ai pas menti de cela, dit Tchitchikov, avec assez de fermeté, en montrant l'extrémité de l'ongle de son petit doigt. Je donne ma tête à couper que tu mens. Cela devient offensant à la fin. Qu'est-ce que c'est donc que ça? Et pourquoi veux-tu absolument que je mente? Eh, mais c'est que je te connais. Tu es un grand filou. Souffre que je te dise ça, moi, de bonne amitié. Si j'étais ton chef, je te pendrais, vois-tu, au premier arbre du chemin. Tchitchikov fut piqué au vif. Toute expression tant soit peu grossière ou malséante lui était par elle-même désagréable, même quand elle ne s'adressait pas à lui. Ajoutons qu'en nulle occasion, il ne souffrait patiemment les grandes familiarités, à moins que la personne qui se les permettait ne fût d'un rang très supérieur. Aussi ressentit-il avec déplaisir le langage de son hôte. « Parole d'honneur !» reprit celui-ci. « Je te pendrai, je te le dis franchement, non pour te faire injure, mais tout amicalement entre nous. » Il y a toute chose une limite, dit Tchitchikov avec le sentiment de la dignité offensée. Si tu veux te faire honneur d'un pareil langage, fréquente les casernes et les corps de garde. Puis il ajouta, après une minute de recueillement, tu ne peux pas donner, eh bien, un vent. Te vendre mes morts? Bon, mais canaille, je sais que tu ne donneras presque rien. Tu es plaisant, en vérité. Est-ce que les âmes mortes sont des diamants de l'eau la plus fine, par hasard? C'est bien ça. Allons, je l'avais deviné. Hé, frère, qu'est-ce que c'est donc que cette juiverie? Tu devrais tout simplement m'en faire présent. Ça, voyons, pour te prouver que je ne suis pas un pleutre, je te les donnerai absolument pour rien. Tu vas m'acheter mon étalon et je te les donne par-dessus le marché. Bah, qu'ai-je à faire de ton étalon? Dit Tchitchikov, réellement surpris de la proposition. Ce que tu feras d'un étalon pareil, tu veux rire. Et tiens, je l'ai payé moi 10 000 roubles. Je veux te le donner pour 4 000 roubles. C'est là, j'espère, une marque d'amitié. Je n'ai que faire d'un étalon, je ne possède pas de haras. Attends donc que je m'explique. Tu n'as à me compter à présent que 3 000 roubles, et pour les 1 000 autres, tu me les paieras plus tard. Je ne veux pas d'étalon, je n'en veux pas, garde ton étalon. Je te vois venir, c'est ma jument Alezan qui t'a donné dans l'œil. Il ne me faut pas de jument non plus. Pour la jument et le cheval gris que tu as vu en ville à Madrotchka ouverte, je te prends 2 000 roubles, sans plus. Est-ce dit? Je n'ai aucun besoin de chevaux. Alors tu les vends. Je te garantis qu'à la première foire, on t'en donnera le triple. En ce cas, va plutôt toi-même à la première foire, et tu auras 6 000 roubles au lieu de 2. Je sais fort bien que je puis les avoir moi-même, mais je veux que tu gagnes cela, toi. Tchitchikov remercia son hôte de tant de bienveillance, mais il refusa net d'acheter le cheval gris et la jument alezan, comme il avait refusé les talons. « Eh bien, tu m'achèteras des chiens. Je te vendrai à une telle baisse que cela donne un frisson de joie de regarder 2 broudastaïs. Tu sais, à moustache et aux poils hérissés en brosse, une ossature cambrée comme à pas une race. C'est à n'en croire ni ses yeux ni ses mains. L'ergot rentré et la patte toute ramassée. Ils ne laissent pas la plus petite trace après eux. Des chiens? À moi qui ne chasse jamais? Qu'est-ce que ça fait? Je veux que tu aies des chiens. Au reste, écoute, si tu ne veux pas de chiens, tu m'achèteras mon orgue. C'est une pièce superbe. Il m'est revenu à 1 500 roubles. Vrai comme je suis honnête homme. Je te le donne pour 900. Et que veux-tu que je fasse d'un orgue? Bon, si j'étais un de ces pauvres diables d'Allemands qui se traînent sur les routes pour gagner quelques petits pécules en tournant la manivelle. Ah, Ceci est une toute autre sorte d'orgue. Les Allemands n'ont pas des orgues en bois d'acajou pour aller mendier. Celui-ci serait déjà par lui-même une fortune pour eux. Je vais te le montrer encore. » Ici, Nozdrev, ayant saisi le bras de Tchitchikov, se mit en devoir de l'entraîner dans l'autre chambre. Et celui-ci eut beau chercher à s'affermir le pied sur le plancher et assurer qu'il savait quelle sorte d'orgue c'était, il dut se résigner à entendre encore une fois comme quoi Malbrouck s'en va en guerre. « Si tu ne veux pas payer en argent tous les 900 roubles, voici ce qu'il y a à faire. Je te donne mon orgue et tout ce que j'ai d'âme morte. Et toi, tu me donnes ta britchka et 300 roubles en su. Top là !»« Superbe combinaison. Et moi, je m'en irai à cheval, portant l'orgue en sautoir, n'est-ce pas ?»« Pas du tout. Moi, comme ami, je te donnerai une autre britchka. » « Allons dans ma remise, je te montrerai ton affaire. Tu n'auras que la peine de lui faire donner une couleur à ton choix et un vernis, et tu auras une britchka réellement délicieuse. »« Que ce diable d'homme est assommant! Ouh, je n'en puis plus !» pensa Tchitchikov. Et il résolut de repousser à outrance toutes les britchkas, tous les ordres, les étalons et les chiens, malgré l'incompréhensible cambrure des côtes de ceux-ci et leurs pattes ramassées qui ne laissaient aucun vestige. La britchka, l'orgue et les âmes mortes ensemble, c'est dit. « Rien de tout cela !» dit Tchitchikov. « Je ne veux pas !»« Et pourquoi est-ce que tu ne veux pas ?»« Je ne veux pas tout simplement parce que je ne veux pas, et cette raison est très suffisante. » »« Ainsi, voilà comme tu es, toi. » Ainsi, d'aucune manière, avec toi, on ne peut, comme cela se pratique toujours entre bons amis et camarades, faire échange. Au fait, c'est moi qui m'étais trompée. Il y a des hommes à deux visages, c'est facile à connaître. Je ne suis pas tout à fait un imbécile, voilà tout. Juge toi-même. Aurais-je donc le moindre bon sens d'acquérir des objets dont je n'ai aucun besoin? C'est bon, ne perds pas tes paroles. Je te connais maintenant à fond. Tu n'as jamais été qu'une racaille. Eh bien, écoute, nous allons faire une petite banque, veux-tu? Je mettrai tous mes morts sur une carte et l'orgue avec les morts, hein? Bah, jouer à la banque, c'est se livrer à l'inconnu, dit Tchitchikov. Et en même temps, il jetait obliquement un regard attentif sur les cartes que son hôte avait tenues longtemps dans les mains. Les deux tailles du jeu et la mouchature du dos des tarots lui semblèrent fort suspectes. Inconnu? Où prends-tu l'inconnu? Il n'y a rien d'inconnu dans ceci. Aie seulement la chance pour toi et tu gagneras à l'infini. Voici une carte. Ah, quel bonheur! Dit-il en commençant à donner afin de stimuler son homme. Quel bonheur! Mais quel bonheur! Et comme cela lui tombe! Aïe, aïe, aïe! Voici ce maudit neuf sur lequel j'ai perdu là-bas tout ce que je pouvais perdre. J'avais le pressentiment que je serais vendu, et pourtant, fermant les yeux, je pensais en moi-même. Par tous les diables, vends-moi, ruine-moi, neuf maudit. Tandis que Nozdrev racontait sa déconvenue de la foire et se livrait à sa petite manœuvre, Porfiry apporta une bouteille. Mais Tchitchikov se refusa aux sollicitations du vin comme du jeu comme du vin. « D'où vient que tu ne veux pas jouer ?» dit Nozdrev. « Je ne suis pas disposé, et d'ailleurs, je l'avoue, en général, je n'aime pas le jeu. »« Comment se fait-il que tu n'aimes pas le jeu ?»« Je n'aime pas le jeu, voilà tout !» répondit Tchitchikov en haussant les épaules. « Eh bien alors, tu n'es pas grand-chose. » « Tel que j'ai été créé, tel je suis resté. Qu'y aurais-je pu faire ?»« Tu es un fétiouk, voilà ce qui m'est démontré. J'ai pensé auparavant que tu étais un homme assez comme il faut. On ne peut pas te parler comme on parle à quelqu'un de semblable à soi. Tu n'as pas une minute d'élan et pas ombre de sincérité. Tu es un autre Sabakevitch, un ladre, un vilain tel que lui. » « À quel propos est-ce que tu me dis des injures? Suis-je si coupable de n'avoir pas de goût pour le jeu? Vends-moi les âmes mortes, vends-les-moi, si tu as le cœur de marquer un prix de vente à ce qui n'est plus. Tu auras un talamac, animal. Je voulais te donner mes âmes mortes pour rien. À présent, je ne les donne ni ne les joue. Offre-moi 3 royaumes, tu ne les auras pas. Voilà un cuistre, par exemple, voilà un pleutre. Dès ce moment-ci, je ne veux plus avoir aucun rapport avec toi. Hé, Porphyrie, va dire aux écuries qu'on ne donne point d'avoine à ces chevaux. Ils n'ont qu'à s'accommoder du foin tout seul. Tchitchikov était bien loin de s'attendre à une pareille conclusion. Nozdrev ajouta en s'adressant à lui. « Je voudrais de tout mon cœur ne t'avoir jamais vu. » Il y avait, on le voit, mésintelligence entre l'hôte et son convié, mais non rupture. La preuve, c'est qu'après ces explications, ils ont soupé ensemble. Mais il ne parut aucun de ces vins à dénomination savante. La seule bouteille qui fut mise sur la table entre les deux convives portait sur l'étiquette le nom de vin de Chypre. Le contenu était, à tous égards, une détestable piquette. Après le souper, Nozdrev dit à Tchitchikov, en l'emmenant dans une chambre latérale où on lui avait préparé un lit. « Voici ton lit, mais je ne veux pas te souhaiter une bonne nuit, tu ne vaux pas ça. » Et il sortit. Tchitchikov resta seul, dans la plus fâcheuse position d'esprit. Il s'en voulait. Il se faisait d'amers reproches d'être venu perdre son temps chez un homme si turbulent, et surtout de s'être conduit comme un véritable insensé, en laissant apercevoir à un tel homme le secret de ses excursions. Il se disait que Nozdrev, étant redoutable par sa langue, ne manquerait pas de déblatérer, d'inventer des couleurs, d'imaginer des détails à l'infini, de faire d'un grain de sable une roche, et de sa roche une montagne. Il fallait s'attendre maintenant à voir courir toutes sortes de mauvais bruits. À chaque instant, il en revenait à conclure que la conjoncture était fort pénible, sinon même fort dangereuse, et qu'il s'était conduit en véritable étourdi. Ses pensées le piquaient, le mordaient, lui échauffaient le sang. Et pour surcroît d'infortune, au moment où la fatigue allait lui procurer une heure ou deux d'un repos plus ou moins lourd, plus ou moins réparateur, des armées d'insectes. Bref, au milieu de repos et de sommeil, il dut subir une autre petite torture que celle de tantôt. Il se leva de très bonne heure. Son premier soin fut de chausser ses bottes, de s'affubler d'une robe de chambre qui avait été déposée sur une chaise, et de se rendre, à travers la cour, dans l'écurie, où il ordonna à Selifan d'atteler promptement sa britchka. Et comme il retraversait la cour, il se rencontra, nez à nez avec Nozdrev, qui, la pipe à la bouche, était lui aussi en robe de chambre flottante. Nozdrev salua amicalement son convié et lui demanda comment il avait passé la nuit. Tchitchikov murmura assez sèchement une de ces réponses qui n'en sont pas une, mais qui ont pour objet d'en tenir lieu. « Eh bien, moi, frère, » dit Nozdrev, « figure-toi que toute la nuit, j'ai été assiégé dans les règles par de si dégoûtantes ordures que je ne pourrais sans horreur en faire le récit. Pour t'en donner seulement une idée, il m'a semblé, plus d'une heure, je crois, que j'avais dans la bouche toute une horde de vampires microscopiques célébrant des jeux et faisant les grandes manœuvres, et à la fin, pour abréger, figure-toi que j'ai rêvé qu'on me battait le verge. Et devine qui me houspillait. Mais non, tu ne devinerais jamais. C'était... Quelle absurdité, pense donc. C'était Potseloïev et Kouftchinikov. Tchitchikov pensa, pourquoi n'est-ce qu'un cauchemar ? Et que ne viennent-ils, en effet, te donner sur le cuir de bonnes et durables marques du grand cas qu'ils font d'un héros de foire tel que toi ? Et drôle, n'y aller, ma foi, pas de main morte. Je me suis naturellement réveillé tout en nage, et avec d'horribles cuissons par tout le corps. Ces cuissons, tu te doutes bien d'où elles venaient. Ça, va donc t'habiller, je suis à toi tout à l'heure. Mais avant tout, il faut que je lave énergiquement la tête à ma canaille d'intendant, pour la manière dont il tient ma maison en ordre et propreté quand je n'y suis pas. » Tchitchikov rentra, se rasa, se lava à grande eau et s'habilla. Lorsqu'ensuite il passa dans la salle à manger, il y trouva une table portant avec une bouteille de rhum entamée tout ce qu'il faut pour le thé. Par toute la chambre, on voyait les traces du dîner et du souper de la veille. Il paraît que le balai de crin faisait, dans les appartements de cette maison, de fort rares apparitions. Non seulement sur le plancher, il y avait des dessins en miettes de pain et tabac à demi consumés, mais on voyait sur la nappe même des placards de cendres écrasés. Nozdrev ne tarda pas à paraître, mais vêtu comme il l'avait été dans la cour. Il n'avait rien, absolument rien, sous la robe de chambre, et il était tout fier de l'épais bocage qui croissait plantureusement dans le creux de sa poitrine. Debout, tenant à la main son long tchoukbouk, et toutefois prenant son thé à la cuillère, il semblait poser pour les peintres, qui ont le bon goût de haïr à la mort les muguets de salon à taille serrée et à coiffure soit frisottante, soit tondue ras comme celle des recrues fraîches. « Eh bien, quelle est ton idée, voyons ?» dit Nozdrev après quelques instants de silence. « Et si tu veux mes morts, jouons-les. » « Je t'ai dit que je ne joue pas. Je suis prêt à te les acheter. » « Et moi, je ne veux pas vendre. » On ne se vend rien entre amis. C'est bien moi qui irai faire, dans ce genre-là, de la spéculation, des profits de roubles et de copecs. Une petite banque, c'est tout autre chose. Allons, voyons, ce sera fait en un tour de main. Viens couper. Je t'ai dit que non. Et faire un échange, cela te va-t-il? Pas davantage. Eh bien, écoute, jouons aux dames. Oh, là, tu me les gagneras toutes. C'est que j'en ai vraiment beaucoup, et c'est du dernier ridicule qu'on ne puisse pas les faire radier dans les matrices. Hé, Porphyry, apporte-nous ici le damier. Ici, bien. Non, là, là. Et vois s'il y a tous les pions. C'est un soin inutile, je ne jouerai pas. Ce n'est plus la banque, ça. Aux dames, il n'y a plus de hasard, et pas moyen de tromper. On joue mieux ou plus mal, tout dépend de là. « Je commence par te déclarer que je sais à peine la marche, et j'espère bien que tu vas me rendre des pions. » Tchitchikov réfléchit. Il jouait assez bien ce jeu, et il pensait que Nozdrev ne saurait, en effet, tenter aucun tour de façon, à moins que d'être un escroc achevé, un prestidigitateur du premier ordre. « Va donc pour les dames, puisqu'aussi bien il faut que tu passes ton envie de me gagner quelque chose. » « Toutes mes âmes mortes, tant qu'il y en aura, contre 100 roubles. »« Pourquoi 100 roubles? Ce serait monstrueux. Elles vont, si tu veux, pour 50. »« Un enjeu de 50 roubles, tu te moques. Sommes-nous des écoliers? Il faut 100 roubles. Et plutôt, moi, j'ajouterai aux âmes un de mes chiens de qualité moyenne. Ou bien, tiens, ce cachet d'or qui malheureusement m'a fait faute à la foire. C'est lui, peut-être, qui m'aurait ramené tout. » 100 roubles contre les âmes et le cachet. Bon. Combien me donnes-tu de pions? À quel propos des pions? Certainement, je n'en donne pas un. Eh bien, tu me donneras double avantage pour commencer. Non, je ne te demande, moi, ni pions ni avantage, et je joue mal moi-même. Mal? Tu joues mal? Ils jouent tous mal, ces malins-là. Bien, bien, nous savons. Dit Nozdrev en avançant un pion pour ne pas en avoir tout à fait le démenti. Il y a 5 ans que je n'ai pas eu un damier devant moi, dit Tchitchikov, sans murmurer et en croisant le pion de son adversaire. Nous savons comme vous jouez mal, messieurs les aigres fins, reprit Nozdrev en avançant le pion de sa deuxième ligne. Ouais, il y a bien longtemps que je n'ai joué. Reprit à son tour Tchitchikov en étayant son premier pion joué. Nous savons très bien votre manière de jouer mal, dit Nozdrev d'un air de grande simplicité, et il poussa un pion. Mais en même temps, son petit doigt recourbé en dessous en avança un autre. Oui, oui, Il y a bien 5 ans que... Hé, frère, qu'est-ce que c'est que ce farceur qui n'attend pas son ordre de marche? Remets-le donc à sa place. Qui ça? Eh, mais le pion que tu as dérangé avec la manche de la robe de chambre, je crois. Comme Tchitchikov s'expliquait ainsi, un autre pion ennemi, un intrus, un troisième noir, se trouva plongé parmi ces jaunes sans qu'il fût moyen de dire poliment comment Nozdrev, en 3 coups, était presque à dame. Il n'y a aucune possibilité de jouer aux dames avec toi, dit modérément Tchitchikov en se levant de table. Tu ne sais pas le jeu du tout. Tu avances 3 pions à la fois. Ou bien ils se multiplient dans ton jeu, les pions. Comment 3 pions? Comment 3 pions? Si ma manche a fait un petit dérangement ici, je vais la retrousser. Tiens, es-tu content? Et je remets le pion à sa place. Cela peut arriver, ce me semble, à tout le monde. Et celui-ci qui est dans mes flancs? Où ça? Ici, cet intrus, un 13e qui va à dame sans façon. C'est possible qu'il aille à dame, mais tu dois pourtant te rappeler... Je me rappelle chaque pion joué. Quant à celui-ci, tu viens de l'improviser. Il ne peut avoir de place nulle part dans ton jeu. Comment pas de place? Pas de place. Celui-ci est fort, dit Nozdrev en rougissant. Allons, c'est un exercice de composition comme un autre. Non, frère, c'est toi qui composes, mais la composition n'est pas bonne. Ça, pour qui me prends-tu donc en définitive? Est-ce que je suis un filou? Un grec, à ton avis? Je ne te qualifie d'aucune de ces manières, seulement je ne joue plus. Ah, pour ça, pardon, mais la partie est commencée, elle doit être finie, il n'y a pas à dire non. J'ai plein droit de refuser, parce que tu ne joues pas comme il sied à un homme qui se respecte. Tu en as menti, et n'aie pas l'audace de parler ainsi. C'est toi qui mens à ta conscience. Je n'ai pas triché, et toi, tu ne peux pas renoncer à une partie commencée. Tu ne me feras pas jouer malgré moi, dit froidement Tchitchikov. Et s'avançant contre la table, il mêla les pions sur le damier. Nozdev prit feu et se redressa devant Tchitchikov si près que celui-ci dut par prudence reculer de 2 pas. « Je te ferai jouer pourtant. Tu as brouillé les pions, ce n'est rien. Je me rappelle parfaitement toute la marge de la partie. Nous allons tout remettre en place, entends-tu ?»« Non, c'est bien résolu. Je ne jouerai avec toi ni aujourd'hui, ni jamais. »« Tu refuses de jouer ?»« Oui, tu refuses, absolument. » Tu sens bien toi-même qu'on ne peut pas jouer avec toi. Dis tout bonnement la chose, tu ne veux pas jouer, hein? Dit Nozdrev en s'approchant de son ami plus près encore que la première fois. Non, je ne veux pas, dit fermement Tchitchikov, et il éleva toutefois les 2 mains de manière à en faire un double bouclier à son visage, car l'affaire était réellement des plus chaudes. La précaution était parfaitement justifiée. Nozdrev avait soulevé la main d'une façon très menaçante, et il eût bien pu arriver que l'une des belles joues pleines et vermeilles du sage héros de notre Odyssée se couvrit d'un stigmate ineffaçable. Mais après avoir détourné le cou, il saisit les 2 avant-bras du redoutable hôte et les tint avec une grande vigueur. « Porphyrie, Pavlouchka !» cria à plein gosier Nozdrev furieux, tout en s'efforçant d'échapper aux étreintes de son convié. À ce cri du maître de la maison, Tchitchikov, pour éviter de rendre des laquais témoins d'une scène scandaleuse, et sentant d'ailleurs que c'était un soin inutile de retenir ainsi à la force du poignet, 1 minute de plus ou de moins, son adversaire, lui rendit la liberté de ses mouvements. Dans ce même instant, parut sur le seuil Porphyrie, immédiatement suivi de Pavlouchka, gaillard taillé en force et avec qui il n'aurait pas fait bon lutter. « Eh bien, voyons, tu ne veux pas finir la partie. Réponds-moi bien nettement. Je te le demande pour la dernière fois. » dit Nozdrev, les lèvres tremblantes de colère. « Il est impossible d'achever cette partie-là, » dit Tchitchikov. Et il regarda avidement par la fenêtre. Il vit dans la cour sa britchka toute prête qui l'attendait, et Sélifane sur son siège, guettant un signe de notre héros pour venir se ranger contre le perron, le recevoir et l'enlever bellement. Mais il n'était aucun moyen de sortir d'une chambre où un ennemi en fureur guettait son moindre mouvement. Et quand des deux côtés de la porte se tenaient comme en sentinelle deux pâteaux qui lui auraient broyé les membres pour ne pas être broyés eux-mêmes par la fureur du maître en cas de désobéissance ou d'hésitation. « Ainsi, tu ne veux pas finir la partie ?» répéta Nozdrev avec un visage enflammé. « Si tu eusses joué comme il convient à un galant homme, bon, mais à présent je ne peux pas. » « Ah, tu ne peux pas, lâche, c'est quand tu vois que la partie est mauvaise que tout à coup tu brouilles le jeu et que tu dis « je ne peux pas ». Ah, ça, rossez-le » cria-t-il à tue-tête en s'adressant à Porphyrie et à Pavlouchka. Et lui-même, il s'empara d'un fort tuyau de pipe en merisier. Tchitchikov devint blanc comme son linge. Il voulut dire quelque chose, mais ses lèvres seules remuaient. Sa langue était glacée dans sa bouche. « Rossez-le !» criait Nozdrev en s'élançant en avant, son tuyau de merisier à la main, tout en feu, tout en sueur, comme s'il marchait à l'assaut d'une forteresse inaccessible. « Rossez-le » criait-il de la même voix qu'au moment d'un grand assaut véritable, crie à sa compagnie « Camarade, en avant !» Un petit sous-lieutenant quelconque, dont la bravoure désespérée est déjà si connue qu'il y a eu ordre de l'arrêter par les bras et par les épaules au moment de la plus grande chaleur du combat. Que faire? Le jeune héros est en proie au vertige guerrier. Son imagination est ébranlée. Devant ses yeux s'offre l'image de Souvarov, et la journée aura des gloires pour les vrais braves. Camarades, en avant! Crie-t-il en avançant toujours, sans penser que là où il entraîne du monde, des milliers de canons de fusil sont tenus en joue dans les embrasures de ces murs épais, inaccessibles, et qui montent jusqu'aux nues, qu'il va, comme un léger duvet, être emporté dans l'air avec tous ses hommes, et que déjà siffle le globule fatal qui va traverser d'outre en outre la gorge d'où s'échappent ces belliqueuses exclamations. Mais si Nozdrev, ici, représentait assez bien le désespéré sous-lieutenant s'élançant, pris de vertige contre la forteresse assiégée, il est juste de convenir, d'une autre part, que le fort contre lequel il s'avançait si crânement ne ressemblait en rien à la forteresse imprenable, inaccessible de mon parallèle. Nous reconnaissons que, bien au contraire, l'homme forteresse éprouvait une telle frayeur que l'âme lui était descendue sous la plante du pied. Déjà la table, dont Tchitchikov avait espéré de se faire un rempart, venait de lui être enlevée par l'agression des vils satellites de l'assaillant. Déjà, l'œil clignotant, le courage presque éteint, il allait se résigner, la mort dans le cœur, à faire sur lui-même l'épreuve du tuyau tcherkesse de son hôte, et Dieu sait ce qu'il serait advenu de lui. Mais il plut au destin de préserver les côtes, les épaules, l'épine dorsale et toutes les nobles et délicates parties de notre héros. Tout à coup tinta, comme du haut des nues, le son aigre d'une clochette de poste. Un bruit de roues roulantes se joignit de plus en plus distinct au tintement du grelot. Un télègue s'arrêta bruyamment devant le perron, et l'on eut, dans tout l'appartement, l'écho du puissant reniflement et de l'ardente respiration des trois chevaux écumeux qui venaient de s'arrêter au terme d'une course bien fournie. Tous machinalement regardèrent par la fenêtre. Un homme à moustache, en surtout demi-militaire, descendit de la télègue. Après deux ou trois brèves questions faites dans l'antichambre, il entra dans la minute même où Tchitchikov, fort mal remis de sa terreur, se trouvait dans la plus détestable situation du monde. Et qu'il me soit permis de savoir, messieurs, lequel de vous deux est Nozdrev, le maître de cette terre ? Dit l'inconnu en regardant tour à tour, avec ébahissement, Nozdrev, qui se tenait muni d'un lourd tuyau de pipe comme d'une arme offensive, et Tchitchikov, qui commençait à éprouver un peu plus de calme et à refléter dans son regard une douce lueur d'espérance. « Permettez-moi avant tout de savoir à qui j'ai l'honneur de parler, » dit gravement Nozdrev en s'avançant vers son interlocuteur. « Le chef de police du district, le capitaine Ispravnik. » « Et qu'y a-t-il pour votre service ?»« Je suis venu ici, monsieur, vous déclarer, et vous déclare, en vertu d'un ordre qui m'a été intimé par la justice, que vous êtes sous jugement, c'est-à-dire à la disposition des tribunaux, et resterez dans cette situation jusqu'à ce qu'il soit rendu sentence et arrêt définitif dans le procès qui vous a été intenté récemment. »« Quelle bêtise ! Un procès à moi ? « Une accusation ? Qu'est-ce que c'est donc, au fait, voyons, que cette affaire ?»« Vous êtes impliqué dans l'enquête qui se poursuit au sujet d'une orgie où plusieurs gentilshommes, dans l'état d'ivresse, ont fait violence à Maximov, propriétaire et seigneur, ainsi que, et cela, nommément, en le frappant de verge. »« Mais vous mentez ! Je n'ai de ma vie aperçu nulle part ce monsieur Maximov dont vous parlez. » « Mon très honoré monsieur, permettez-moi de vous faire observer que je suis un ancien militaire, officier ou fonctionnaire public, et justement à cette heure dans l'exercice de mes fonctions. Le mot que vous venez d'employer là, vous pouvez sans doute le dire à quelqu'un de vos serfs, et non pas à moi. » Nozdrev fit un haut-le-corps superbe. Ses lèvres serrées et son regard braqué fixement sur le magistrat pouvaient faire redouter un éclat, mais sans grande conséquence pour les témoins. Cependant, Tchitchikov n'éprouva nullement la curiosité de voir ce qu'allait répondre son hôte et ami. Satisfait de la diversion, il alla tout doucement s'emparer de son chapeau, puis il se glissa, se dissimula derrière l'édile imperturbable, gagna l'antichambre, le perron, la cour, sauta dans sa britchka, et ordonna à Selifan de prendre le large, puis de lancer ses chevaux à toute vitesse.